الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين. Et que les prières et les salutations de Dieu soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs dans la religion, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدرس الثاني والأربعين. Mes frères et mes sœurs dans la religion, nous allons poursuivre la biographie du messager de Dieu, prière et salut sur lui, avec le cours numéro 42. رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة. Nous avons vu que le messager de Dieu, prière et salut sur lui, une fois il est arrivé à Médine, une fois il est arrivé à Médine, ben al masjid fi awwal khutwa. Il a fait construire la mosquée comme un premier pas. Wa akha bayna al muhajirin wal ansar fi thani khutwa. Et le deuxième pas était la fraternité ou fraterniser entre les muhajirin et les ansar. Wa al yawm نرى الخطوة الثالثة. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième pas fait par le prophète صلى الله عليه وسلم. وهي وثيقة كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظم العلاقات بين المؤمنين من جهة وبين المؤمنين واليهود من جهة. Le troisième pas était un traité écrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un traité qui organisait les relations entre les croyants d'une part et entre les croyants et les juifs d'une autre part. هذه الوثيقة الفريدة من نوعها يمكن أن تعتبر بلغة اليوم دستورا للدولة المسلمة الجديدة بالمدينة. Ce traité unique du genre, on peut le voir aujourd'hui ou on peut le considérer aujourd'hui avec le langage moderne actuel comme une constitution du nouvel État musulman. أمدين. بنود هذه الوثيقة رواها ابن إسحاق من غير إسناد. Les articles de ce traité ont été rapportés par Ibn Ishaq, mais sans donner la chaîne de rapport. وابن سيد الناس في عيون الأثر رواها بإسناد كما ذكر الأستاذ الشيخ سعيد رمضان البوطي في كتابه فقه السيرة. Mais Ibn Sayyid al-Nas a rapporté ces articles dans son livre Uyun al-Athar et il a donné une chaîne authentique pour ces articles comme l'a souligné le docteur Cheikh Saïd Ramadan al-Bouti dans son livre le fiqh al-Sira. وعدد هذه البنود كبير. Le nombre de ces articles est très grand. 47, 47 articles. كما ذكرت سيرة ابن هشام والسيرة النبوية للأستاذ الصلابي. comme l'a souligné dans 47 articles, comme l'a souligné la sira de Ibn Hisham et la sira prophétique du professeur As-Sallabi. Je vais choisir parmi ces articles quelques-uns. Je commence par le premier. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu le très miséricordieux. هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a là un livre de Muhammad ou de la part de Muhammad, le prophète, prière et salut. بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب. Entre les croyants, les musulmans coréchites et ceux de Yathrib. Yathrib, c'est la ville, Médine. ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. Et toute personne qui va les rejoindre et qui va combattre à côté d'eux. رأينا في الدرس الماضي المؤاخاة الخاصة التي كانت بين كل رجل من المهاجرين وكل رجل من الأنصار. Dans le cours précédent, nous avons vu la fraternité spéciale qui avait lieu entre chaque homme coréchite et chaque homme médinois. وهذه الوثيقة اليوم تتكلم عن المؤاخاة العامة بين جميع المسلمين. Le traité d'aujourd'hui, la constitution d'aujourd'hui parle de la fraternité générale qui lie tous les musulmans entre eux. وتترك الباب مفتوحا لكل من يأتي من بعد. Et bien sûr, ce traité laisse la porte ouverte devant toute personne qui va venir par la suite ou qui va accomplir l'égir par la suite. ثانيا, deuxièmement, إنهم أمة واحدة من دون الناس. يعني أهل قريش, مسلمين من قريش ويثرب موجودين في المدينة. إنهم أمة واحدة من دون الناس. Ce sont, ça veut dire les musulmans coréchites et médinois, ce sont une seule et unique communauté devant les autres. هذا البند أعطى مفهوما جديدا لمعنى الأمة. Cet article a donné un nouveau sens de la signification de la communauté. في جزيرة العرب كانت الأمة محدودة في سكان قبيلة. Dans la péninsule arabique à l'époque, la signification de la communauté était limitée aux habitants d'une tribu, أو سكان مدينة, ou bien aux habitants d'une ville, كقريش, سكان مكة, comme les Coréchites, habitants de la Mecque, constituaient une communauté, أو الأوس والخزرج, الخزرج سكان المدينة, ou comme les Aussites et les Khazrajites, habitants de Médine. أما الآن, tandis que maintenant, فهذا البند جعل المسلمين أمة واحدة. Cet article a fait de tous les musulmans une seule et unique communauté. Qu'ils soient des Mekkois, qu'ils soient des Médinois ou autres. Al-Bund al-Thalith, le troisième article. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا. مُفْرَحًا بلغتهم في ذلك الوقت يعني مثقلا بالديون. إنسان عنده ديون كثيرة, المسلمون لا يتركونه هكذا. وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف. Les croyants ne laissent pas un endetté ou un surendetté, c'est-à-dire quelqu'un qui est alourdi par des dettes, sans lui donner selon la bonne coutume. هذا البند جعل بين كل المؤمنين تكافلا وتضامنا اجتماعيا. Cet article a créé entre tous les croyants une sorte de solidarité sociale. البند الرابع, le quatrième article. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ أَيْدِيهِمْ عَلَى كُلِّ مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أَوْ ابْتَغَى دَسِيعَةً يعني كَبِيرَةً كبيرة ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين. Le quatrième article dit « Les croyants pieux, leurs mains seront contre toute personne parmi eux qui se montre injuste ou qui les agresse ou qui cherche à faire un péché ou une agression ou une corruption entre les croyants. » وَإِنَّ أَيْدِيهِمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا et leurs mains tous seront contre cette personne qui va commettre cette injustice. وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ et même si la personne est, qui commet l'injustice était l'enfant de l'un d'eux, c'est-à-dire l'enfant d'un des croyants. هذا البن جعل بين المؤمنين تكافلا قضائيا. Donc cet article a créé entre les croyants une sorte de solidarité juridique et une base d'équité, de justice entre eux. On n'accepte pas l'injustice dans un État musulman. La naqbal al-bari, la naqbal al-dhulm fi dawla muslima. على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم un état musulman à la tête duquel se trouve le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. خامسا cinquièmement ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. المؤمن لا يقتل أخاه المؤمن من أجل كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن لا ينصر الكافر على المؤمن. هذا لا يمكن إذا كنا مسلمين مؤمنين. Le cinquième article dit et que le croyant ne tue pas un croyant pour venger par exemple un mécréant et qu'il n'assiste pas un mécréant contre un croyant et qu'il n'aide pas un mécréant pour que celui-ci prenne le dessus par rapport à un croyant. هذا البن يجعل ولاية خاصة بين كل المؤمنين. Cet article a créé une alliance spéciale entre tous les croyants. سادسا sixièmement وإنه من تبعنا من يهود فإنه له النصر والأسوة غير مظلومين. Et toute personne parmi les juifs qui va nous rejoindre aura de notre part l'assistance, le secours et sans subir d'injustice. هذا البن فتح الباب أمام اليهود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. Cet article a ouvert grande la porte devant les juifs dans la ville du prophète صلى الله عليه وسلم للاستفادة من نصرة المسلمين afin qu'ils bénéficient, c'est-à-dire les juifs, du secours et de l'assistance et de l'aide musulmane. Malgré la divergence dans la religion, ceux-là sont des juifs et ceux-là sont des musulmans. Il y a une divergence, il y a une différence. Malgré cela, les musulmans vont assister, vont apporter l'aide, vont protéger les juifs contre une agression extérieure. وأعطاهم حقا في دولة المسلمين هو الحماية وعدم الظلم. Cet article a donné un droit considérable aux juifs dans le nouvel État musulman. Ce droit, c'est la protection et la non-injustice. La protection contre l'agression extérieure et la protection contre toutes sortes d'injustices. سابعاً septièmement وَإِنَّهُ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. Le septième article, quoique vous aurez des divergences entre vous dans un domaine, votre divergence doit être soumise à Allah et à Muhammad, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. هذا البن جعل من محمد عليه الصلاة والسلام هو الحاكم الوحيد في المدينة. Cet article a fait de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'unique dirigeant dans Médine. بلغة اليوم رئيس الدولة. Avec le langage actuel moderne, cet article a fait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le président de l'État. فالسلطة القضائية بيد محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله عليه. Donc le pouvoir juridique est entre les mains de Muhammad صلى الله عليه وسلم afin qu'il juge les gens selon la révélation de Dieu. وكل الوثيقة لم تذكر اسم رجل إلا اسم محمد صلى الله عليه وسلم. Et tout le traité, tous les articles, les 47 de la Constitution, n'ont cité le nom d'aucune personne à part le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Terminant, l'article numéro 8. وَإِنَّ الْيَهُودِ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَدَامُ مُحَارَبِينَ. Et les juifs doivent dépenser avec les croyants tant que ceux-ci sont combattus. هذا البن جعل لليهود واجبات كما أعطتهم بنود أخرى حقوقا. Cet article a rendu ou a donné aux juifs des devoirs. Cet article a responsabilisé les juifs. Ça, c'est un devoir contre les droits que d'autres articles leur ont accordés. فاليهود عليهم المشاركة في تكاليف الحروب التي تستهدف سكان المدينة جميعا. Ça veut dire, ceci signifie que les juifs doivent participer aux frais occasionnés par les guerres qui vont viser les habitants de toute la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. تاسعاً l'article numéro 9. وَإِنَّ الْيَهُودَ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Et les juifs constituent une seule et unique communauté avec les croyants. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Mais après l'article dit لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ دِينُهُمْ. Aux juifs, leur religion, et aux musulmans, leur religion. هذا البن أعطى حق المواطنة بلغة اليوم لليهود. Cet article a donné, selon le langage moderne, il a donné aux juifs le droit à la citoyenneté. Une seule communauté, les juifs et les musulmans forment une seule communauté. Al-Yahoud wa al-Muslimin, ummah wahida. A'tahum haqq al-muwatana fi dawlati al-Islam. Donc cet article a donné aux juifs le droit à la citoyenneté dans le nouvel état musulman. Lahum nafsul huquq mithl al-mu'minin. Ils ont les mêmes droits comme les musulmans. ولهم الحرية في اتباع الدين اليهودي في الدولة المسلمة كما للمسلمين حرية اتباع الدين الإسلامي. Et ils ont la liberté entière à suivre la religion juive dans l'État musulman, exactement comme les musulmans ont la liberté de suivre la religion musulmane dans l'État musulman. Il n'y aura pas des contraintes pour les juifs لا ما فيه ما فيه منارات. Par exemple, vous n'avez pas droit dans l'État musulman de Médine, vous n'avez pas droit des minarets. Ça choque les musulmans. Là, antum ahrar, non, vous êtes libres. Faites des minarets, faites des synagogues, faites la circoncision, portez vos vêtements comme votre livre sacré vous le demande. On va pas vous lier les mains, on va pas vous libérer de votre religion. Parce que nous, on ne croit pas à votre religion. Donc nous, on opte pour la liberté des gens, au nom des droits de l'homme. Personne ne connaît sa liberté ou la liberté de l'autre mieux que l'autre. Je ne peux pas te dire, je te libère. Tu me libères de quoi? De ma religion? Et tu appelles ça une liberté? Là, c'est l'injustice, tout simplement. Hakada fa'ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a agi. Al-Bund al-Ashir, le dixième article, wa innahu ma kana bayna ahli hadhihi as-sahifa min hadathin aw ishtijarin yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah wa ila Muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le dixième article, tout événement qui va surgir entre les signataires, les gens qui ont signé cette constitution, ou toute dispute dont on redoute les conséquences sera soumise ou sera soumise à Dieu et à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hasab hadha al-band, selon cet article, al-yahoud yatahakamuna ila ahbarihim fi umurihim baynahum. Selon cet article, les juifs ont le droit de demander le jugement de leur rabbin dans les choses, dans les différends qui ont lieu entre les juifs et les juifs. Ils ont le droit de faire recours à la loi de la Torah. وَإِذَا شَاءُوا تَحَكَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Mais s'ils le veulent, ils peuvent demander le jugement du messager de Dieu, s'ils le veulent. أَمَّا إِذَا كَانَ مُشْكِلْ بَيْنَ يَهُودِي وَمُسْلِمْ فَالْحَاكِمْ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Mais lorsqu'il y a un différend entre un juif et un musulman, à ce moment-là, c'est le messager de Dieu qui va donner le jugement, l'ilhifad ala al-amn fil Madina, afin de préserver la paix et la sécurité dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadhihi qimmat al-adala. Et là, on trouve le sommet de l'équité qu'aucun pays n'a réalisé dans le monde entier et dans l'histoire entière. La adala la naraha hatta fi akbar ad-dawl ad-dimuqratiyyah al-yawm. Cette équité, on ne la trouve même chez les plus grands pays démocratiques d'aujourd'hui. Ça veut dire, il y a une autorité judiciaire, mais aux minorités, on leur laisse le jugement dans les affaires entre eux selon leurs croyances et non pas selon l'autorité unique du pays. Jihazan lil qada, deux systèmes juridiques, al qada ul islami lil muslimin hasab al quran, le droit musulman pour les musulmans selon le Coran, wal qada ul yahoudi lil yahoud hasab al tawrat, et le droit juif pour les juifs selon leur livre sacré, selon la Torah. وقضاء أعلى بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشاكل بين المسلمين واليهود. Et en même temps, il y a une haute autorité judiciaire entre les mains du messager de Dieu, prière et sagesse, entre les musulmans et les juifs. البند الحادي عشر le 11e article وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمنين. Il n'est pas permis à aucun associateur d'accorder sa protection pour les biens de Quraysh ou les personnes quraychites, et il ne lui est pas permis d'empêcher le croyant de les attaquer. هذا البند يذكر بالعداوة الموجودة بين المسلمين وأكبر عدو لهم وهو قريش. Cet article rappelle à tout le monde l'inimitié qui existe entre les musulmans et le plus grand ennemi à eux, qui est la cité coréchite ou les coréchites. وأن سكان المدينة بما فيهم اليهود لا يمكن أن يمنحوا حمايتهم أو إعانتهم للقرشيين. Et cet article cite que les habitants de Médine, de ce nouvel état, incluent les juifs, n'ont pas le droit d'offrir leur protection ou leur aide aux Quraychites. إثنى عشر, l'article 12, إنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم. Toute personne est libre de quitter Médine en toute sécurité ou de vivre à Médine en toute sécurité, à part celle qui aura commis une injustice ou un péché. وأن الله جار يعني حامٍ أن الله يحمي وأن الله جار لمن بر يعني احترم هذه المواثيق لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et à la fin, et que Dieu est protecteur de toute personne qui respecte, et ça veut dire ses articles, et qui sera pieuse, et Muhammad est le messager de Dieu, prière et salut sur lui. كانت هذه بعض البنود من الدستور الذي اتفق عليه المهاجرون والأنصار واليهود. C'était là quelques articles, et non pas tous les articles, quelques articles de la constitution sur laquelle se sont mis d'accord les مهاجرين, les أنصار et les juifs أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم, devant le messager de Dieu, prière et salut sur lui. وهنا أقوم ببعض الملاحظات, et là je vais formuler quelques remarques. الملاحظة الأولى, la première remarque, في عالم كان لا يعرف حقوق الأقليات, dans un monde à l'époque qui connaissait pas ce qu'on appelle aujourd'hui le droit ou les droits des minorités. وحرية الدين, un monde à l'époque qui ne connaissait pas ou qui ne reconnaissait pas la liberté religieuse. كما رأينا في عالم كان لا يعرف حقوق الأقليات, dans un monde à l'époque qui ne reconnaissait pas les droits des minorités. Les minorités étaient écrasées. ولم يكن يعرف حرية الدين, et dans un monde où il n'y avait pas la liberté religieuse, كما رأينا القرشيين في مكة كيف عاملوا المسلمين ومنعوهم من الدخول في الإسلام وعذبوهم. Exactement comme ce que nous avons vu dans la Mecque, les Quraychites, comment se sont comportés avec les musulmans, comment ils leur ont interdit ou empêché de devenir musulmans, et comment ils les ont châtiés ou persécutés. أما الدولة الإسلامية الجديدة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم, tandis que ce nouvel état musulman sous la direction du messager de Dieu, prière et salut, فقد احترمت الأقلية اليهودية بالمدينة. Ce nouvel état a respecté la minorité juive à Médine, وأعطتها جميع الحقوق, et il leur a accordé tous les droits. حق المواطنة, le droit de la citoyenneté. حق حرية الدين, la liberté de choisir ou de suivre sa religion. حرية القضاء, la liberté juridique. d'être jugé par les rabbins ou d'être jugé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, les juifs ne voulaient même pas être jugés par les rabbins et ils préféraient être jugés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il y avait une grande clémence dans la juridiction, dans le droit musulman que celui des rabbins. Hurriyat at-tasarruf fil mal, la liberté de la jouissance de ses biens. Hurriyat haq as-safar, la liberté, le droit de voyager quand je veux, comme je veux, il a arrêté, etc. هذه معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. Tel est le miracle de Muhammad, prière et sagesse. فقد سبق العالم أجمع بعشرات القرون إلى حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحتى الساعة نقول للعالم لم تصل إلى ما وصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم يا عالم لا زال أمامك عدة كيلومترات. Donc tel est le grand miracle de Muhammad صلى الله عليه وسلم qui a devancé, qui a précédé le monde entier d'une dizaine de siècles au droit de l'homme et au droit des minorités. Et même on dit aujourd'hui, aux pays les plus démocratiques, vous n'avez pas atteint encore le niveau atteint par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aux pays démocratiques, il vous reste quelques kilomètres pour atteindre le niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan, deuxièmement, لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد العرب الأوس والخزرج. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la deuxième remarque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, il a rencontré les Arabes. Il y avait des Arabes et des Juifs. وجد العرب واليهود. Il a rencontré des Arabes et des Juifs. Les Arabes représentés par les deux grandes tribus des Aous et des Khazraj. واليهود في ثلاث قبائل. Et il a rencontré, il a trouvé les Juifs représentés par trois tribus. قبيلة بنو قريضة, la tribu de Banu, les enfants de Qurayda. وهم حلفاء للأوس, qui étaient des alliés avec les Aous. وقبيلة بنو بني قينقاع وقبيلة بني النضير وهاتين القبيلتين حليفتين للخزرج. Et les deux autres tribus de Banu Qaynuqa, les enfants de Qaynuqa et les enfants de Nadir, les Banu Nadir, qui étaient des alliés de la tribu arabe, les Khazraj. فَأَمَّا الْعَرَبِ, en ce qui concerne les Arabes, الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجِ, les Aousites et les Khazrajites, فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Il y a eu parmi eux ceux qui ont cru, et c'était la majorité, qui ont cru au prophète Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. وَهُمُ الْأَغْلَبِيَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَفَضَ الْإِيمَانِ وَاخْتَارَ النِّفَاقِ. Il y avait parmi eux ceux qui ont refusé de croire en l'islam et ont choisi l'hypocrisie. بِمَعْنَا قَلْبُهُ كَافِرٌ ولكن يتظاهر بالإسلام. Un hypocrite dans notre religion, ça veut dire celui qui dans le cœur est mécréant, un cœur mécréant, mais une apparence musulmane. Mais il simule l'islam, mais l'intérieur c'est mécréant. Il montre seulement l'islam devant les musulmans. والنفاق أشد أنواع الكفر. L'hypocrisie est le pire des niveaux de mécréance qui existent. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Certes, les hypocrites sont dans le plus bas degré de l'enfer et tu ne leur trouveras jamais un partisan pour les soutenir. ولكن لا يجب أن نخلط بين نفاق العقيدة الذي يعنينا في هذا الدرس. Mais on ne doit pas, mes frères et sœurs, faire la confusion, l'amalgame entre l'hypocrisie de la foi qui nous concerne ou qui nous intéresse dans ce cours d'aujourd'hui, ou anifaq as-sulouk, et l'hypocrisie comportementale ou l'hypocrisie morale. وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, l'hypocrisie du comportement pour laquelle, ou à propos de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ayatul Munafiqi 3, l'hypocrite a trois signes. Idha haddatha kadhab, lorsqu'il parle, il ment, il raconte des mensonges, c'est un menteur. Wa idha wa'ada akhlaf, lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas. Wa idha ahada ghadar, et lorsqu'il s'engage, lorsqu'il signe un pacte, il ne l'honore pas. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Wa la yumkin an natakallama 'an al-munafiqin fi al-Madinah min ghayri an natakallama 'an 'Abdillah ibn Ubay ibn Salul. Et on ne peut pas parler des hypocrites à Médine sans citer le nom de Abdullah, fils de Ubay, fils de Salul, kabirul munafiqin, le plus grand des hypocrites. فبعد حرب بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج, après la guerre de Bu'ath qui a eu lieu entre les Aous et les Khazraj, قرر قومه أن يتوجوه ملكا على المدينة. Les deux tribus ont décidé de le couronner comme roi de Médine. فلما جاء, c'est-à-dire Abdullah fils de Ubay. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, une fois le messager de Dieu, prière et salut, est arrivé à Médine, استدار قومه عنه إلى الإسلام. Son peuple, c'est-à-dire les Aous et les Khazraj, ont tourné le dos devant lui vers l'islam. فرأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا, et il a compris, il a vu que le messager de Dieu, prière et salut, lui a retiré le titre du roi. Il allait devenir un roi, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a privé de cela. فحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم, et son cœur est rempli, au lieu d'amour envers le prophète, est rempli par la rancune et la haine à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولما راى قومه دخلوا في الاسلام دخل فيه كارها مصرا على النفاق والكيد للاسلام كما رواه ابن اسحاق. Et Abdullah fils de Ubay, le grand hypocrite de Médine, lorsqu'il a vu que son peuple, les Aous et les Khazraj, sont entrés en islam, ont préféré l'islam, lui aussi l'a fait comme eux, mais en étant contraint, en ayant détesté l'islam et en persistant intérieurement sur l'hypocrisie et le complot contre l'islam et les musulmans, comme l'a souligné Ibn Ishaq. ولما نقول كارها لا يفهم, يعني دخل كارها في الإسلام نفاقا, لا يفهم أن أحدا أكرهه على الدخول في الإسلام. Lorsqu'on dit il est entré en islam, où il a montré, où il a simulé l'islam par contrainte, on ne doit pas comprendre que quelqu'un l'a contraint pour entrer en islam. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الإسلام. Le prophète صلى الله عليه وسلم, jamais il n'a contraint quelqu'un à devenir musulman. وكان بإمكانه أن يبقى مشركا. Il lui était possible, Abdullah, de rester associateur et de déclarer devant tout le monde comme quoi il est toujours associateur. ولكن في هذه الحالة سيبقى بلا قيمة بين قومه. Mais s'il choisit ce cas-là, il va rester sans aucune importance, sans aucune valeur parmi son peuple. فالبحث عن مصلحته هو الذي أكرهه على إظهار الإسلام أمام المسلمين. Donc la recherche de son intérêt personnel, c'est cette recherche qui l'a contraint à montrer l'islam devant les musulmans. Yusalli, il prie avec eux. Yasumu amamahum, il montre le jeûne de Ramadan devant eux. Walakin lamma yakunu wahdahu fahuwa mushrikun ya'budu asnamahu. Mais lorsqu'il est seul chez lui, il adorait ses idoles et ses statues. واختار النفاق كذلك كل الرجال الذين كانت لهم مصالح شخصية في أن يكون عبد الله بن أبي ملكا. Et tous les hommes, tous ces hommes qui avaient des intérêts personnels eux aussi, à ce que Abdullah fils de Ubay soit un roi parce qu'ils allaient devenir ses ministres, toutes ces personnes ont choisi l'hypocrisie comme lui. وهكذا بدل أن يكون عبد الله ابن أبي ملكا للمدينة, صار ملكا للمنافقين. Et ainsi, au lieu que Abdullah, fils de Ubay, soit un roi de Médine, il est devenu le roi des hypocrites. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه الحب بن الحب. Usama fils de Zayd, le bien-aimé fils du bien-aimé, que Dieu soit satisfait de lui, de son père, dit: Rakiba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala himar. Le messager de Dieu, prière et salut, est monté sur un âne. Ila Sa'd ibn Ubadata ya'uduhu min maradin asaba, pour rendre visite à Sa'd fils de Ubada qui a été touché par une maladie. Wa ardafani khalfa, il m'a mis derrière lui, ça veut dire sur l'âne. فمر بعبد الله بن أبي et il est passé dans son chemin devant Abdullah fils de Ubay. وحوله رجال من قومه, entouré par un certain nombre de son peuple. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager de Dieu, prière, est descendu. فسلم, il a présenté les salutations. ثم جلس, et il a pris place avec eux. قليلا, un court moment. فتلا القرآن, il a récité le Coran. ودعا إلى الله عز وجل, et il a appelé les gens à Dieu le Très-Haut. وذكر بالله وحذر, il leur a rappelé Dieu et il leur a averti du châtiment, il les a avertis du châtiment de Dieu. وبشر وأنذر, et il leur a annoncé les bonnes nouvelles. وأبي ساكت لا يتكلم, et Ubay était silencieux, il ne parlait pas. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته, lorsque le messager de Dieu, prière, a fini sa parole, قال أبي, أبي dit au prophète صلى الله عليه وسلم, يا هذا, oh celui-ci, il n'a même pas dit au prophète, il n'a même pas dit ce que les associateurs disaient au Mohammed. لم يقول يا نبي ولم يقول حتى ما كان يقوله المشركون في مكة يا محمد. قال له يا هذا كأن ليس له اسما, il lui a dit oh celui-ci, comme s'il n'avait pas un nom. يا هذا إنه لا أحسن من حديثك, il n'y a pas une parole meilleure que la tienne. إن كان حقا, si ta parole est véridique, là il le traite en quelque sorte du mensonge, يعني كأنه يتهمه بالكذب. إن كان حقا فاجلس في بيتك, assis-toi chez toi. Si ta parole est véridique, assis-toi chez toi. فَمَنْ جَاءَكَ لَهُ فَحَدِّثُ إِيَّهُ, et si des gens viennent chez toi, parle avec eux de cette parole. وَمَنْ لَمْ يَأْتِكَ فَلَا تَغُتَّهُ بِهِ وَلَا تَأْتِهِ فِي مَجْلِسِهِ بِمَا يَكْرَهُ مِنْهُ, mais la personne qui ne vient pas à toi, c'est pas la peine de l'offenser avec tes paroles dans son assemblée avec des choses qu'il déteste entendre. فقال عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه, عبد الله fils de رواحة رضي الله, que Dieu soit satisfait de lui, était présent avec ses hommes, كان حاضرا في رجاله المسلمين, avait des musulmans avec lui. بلى فغشنا به, non, parle-nous au messager de Dieu avec tes paroles. واتنا في مجالسنا ودورنا وبيوتنا, et viens à nous dans nos assemblées, dans nos maisons. فهو والله مما نحب, par Dieu ta parole on l'aime beaucoup. ومما أكرمنا الله به, et Dieu nous a honoré avec ta parole. وهدانا له, et il nous a guidé à lui. فقال عبد الله ابن أبي حين رأى من خلاف قومه ما رأى, et عبد الله fils de Ubay a dit lorsqu'il a vu la mésentente et le désaccord, la divergence qui règne entre ses amis, متى ما يكون مولاك خصمك لا تزل تذل ويصرع كالذين تصارعوا, quand ton maître et en même temps est ton adversaire, tu seras toujours humilié et tu seras vaincu par les gens que tu combats. وهل ينهض البازي, البازي يعني النسر, وهل ينهض البازي بغير جناحه وإن جد إن قطعنا ريشه وإن جد يوما ريشه فهو واقع. Et est-ce que l'aigle peut se lever sans ses propres ailes, et si on lui coupe les poils un jour, il tombera certainement. Ça veut dire, lui, on lui a coupé les ailes, on l'a coupé de ses amis, c'est pour ça il tombe. متى ما يكون مولاك خصمك لا تزل تذل ويصرع كالذين تصارعوا وهل ينهض البازي بغير جناحه وإن جد يوما ريشه فهو واقع. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager de Dieu prière se leva. Il n'a pas dit un mot. لم يقل ولا كلمة. لم يسب هذا المنافق. Il n'a pas insulté le roi des hypocrites. فدخل عند سعد ابن عبادة. Il est entré chez سعد ابن عبادة. وفي وجهه ما قال عدو الله. Et sur son visage, on voyait les traces encore de la parole méchante de l'ennemi de Dieu. فقال والله يا رسول الله إني لا أرى في وجهك شيئا. سعد, ce grand compagnon médinois, dit au messager de Dieu, par Dieu, je vois les traces de quelque chose sur ton visage. كأنك سمعت شيئا تكرهه, comme si tu as entendu des paroles que tu détestes. قال أجل, il a répondu oui. ثم أخبره, et il l'a informé de l'histoire. فقال سعد يا رسول الله أرفق به. Et Saad lui dit, ô messager de Dieu, sois doux à son égard. فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَنَ اللَّهُ بِكَ. Par Dieu, Dieu t'a fait venir vers nous. وَإِنَّا لَنَسْتَعِدُّ لِنُتَوِّجَهُ. Et on était sur le point de le couronner comme un roi. فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَيَرَى أَنَّكَ قَدْ سَلَبْتَهُ مُلْكًا. Par Dieu, il pense que tu lui as retiré le titre du roi. رواه ابن إسحاق, rapporté par ابن إسحاق. هذا فيما يخص المنافقين. Ceci en ce qui concerne les hypocrites. أما عن اليهود, mais en ce qui concerne les juifs, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager de Dieu prière et sa a dit, juste après sa venue à Médine, قال من بعد وصوله إلى المدينة, لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود, رواه الإمام البخاري. Dans le cas où 10 parmi les juifs croient en moi, tous les autres juifs croiront en moi, rapporté par l'imam al-Bukhari. وأول رجل أسلم من اليهود هو عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. Le premier homme parmi les juifs qui a embrassé l'islam s'appelait Abdullah, fils de Salam. قال, cet homme dit, لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت معنى إليه. Lorsque le messager de Dieu prière ça lui est arrivé à Médine, je suis venu, ça veut dire vers lui. فلما تبينت وجهه, lorsque j'ai vu son visage, عرفت أنه ليس بوجهي كذاب, j'ai compris immédiatement que ce n'est pas le visage d'un menteur. فكان أول ما قال, la première des choses dites par lui, c'est-à-dire par Muhammad صلى الله عليه وسلم, فكان أول ما قال, يعني النبي صلى الله عليه وسلم, يا أيها الناس, ô humains, أفشوا السلام, répondez les salutations entre vous, السلام عليكم وعليكم السلام, وأطعموا الطعام, et offrez des repas, وَصِلُوا الْأَرْحَامِ, et renforcez les liens familiaux, c'est-à-dire faites des visites entre vous, entre les membres d'une famille, وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ, et priez la nuit pendant que les gens sont en train de dormir, تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامِ, et vous entrerez au paradis en toute paix, ou en toute tranquillité, رواه الترمذي وابن ماجه, rapporté par l'imam الترمذي وابن ماجه. فمن أول يوم دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أبي دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. Depuis le premier jour où le messager de Dieu est entré prière et sur lui dans la maison de Abu Ayyub l'Ansarien, comme ce que nous avons vu, جاء عبد الله ابن سلام. عبد الله fils de Salam est venu. فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق. Je témoigne que tu es le messager de Dieu et comme quoi tu as apporté la vérité ou tu es venu selon le droit et la vérité. Rawah l'imam Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari. Et vous pouvez lire la suite de l'histoire dans le hadith 3911 dans le livre de l'Bukhari. Moumkina taqra'u tatimmat al-hadith fahiyya jamila fi sahih al-Bukhari رقم 3911. وعبد الله ابن سلام, عبد الله fils de سلام, كان سيدا ابن سيد, était un maître, fils de maître, d'un autre maître, parmi les juifs, fil Yahoud. Wa kana aliman ibn alim. Et il était un savant, fils d'un autre savant chez les juifs. Rawah al-Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari. Walakin, raghma islam Abdullah ibn Salam, mais malgré l'islam de Abdullah, fils de Salam, ce grand rabbin, et ce, d'autrefois ce grand musulman d'aujourd'hui, ce grand compagnon d'aujourd'hui, wa raghma anna din al-islam din tawhid lillah mithl diyanat al-yahud, et malgré que la religion musulmane est une religion d'unicité de Dieu comme celle des juifs, wa raghma anna al-muslimin yu'minuna bi anbiya bani israil wa yuhibbunahum mithl Musa alayhi salam, et malgré que les musulmans croient en tous les prophètes des enfants d'Israël et les aiment comme le messager Moïse, prière et salut sur lui. وَرَغْمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَآهُمْ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُرَى لَمَّا أَتَى إِلَى الْمَدِينَةِ شُكْرًا لِلَّهِ عَلَى نَجَاتِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ. Et malgré que le messager de Dieu, prière et salut sur lui, a jeûné le jour d'Ashura, à sa venue à Médine, parce qu'il a vu les Juifs jeûner ce jour, pour remercier Dieu du salut de Moïse, prière et salut. Fasamahu wa amara al-muslimina bisiyami, il a jeûné comme eux, il a demandé aux musulmans de faire comme lui, de jeûner ce jour. Wa raghma anna al-muslimina yusalluna ila nafs al-qibla mithl al-yahud, et malgré que les musulmans à l'époque faisaient leur prière vers la direction, la qibla des juifs, Bayt al-Maqdis, la Jérusalem. ورغم ان النبي صلى الله عليه وسلم منحهم جميع الحقوق في دستور الدوله الجديده, et malgré que le prophète, prière et salut, leur a offert tous les droits dans le nouvel état musulman, فقد رفضوا الدخول في الاسلام, ils ont refusé d'entrer en islam. فَلَمْ يُجْبِرْهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Le messager de Dieu par la suite ne les a pas contraints pour entrer en islam, comme nous l'avons vu, كَمَا رَأَيْنَا. رَوَى أَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي بِدَايَةِ الْأَمْرِ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي مَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ. Au début, à son arrivée à Médine, le messager de Dieu, prière son livre, aimer être en accord avec les gens du livre, ça veut dire aimer faire comme eux dans les choses où il n'a pas reçu une révélation divine contraire, rapporté par l'imam al-Bukhari. فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَمَنَّ إِيمَانَهُمْ. Il souhaitait, prière et salut, qu'il entre en islam, fi bidayati al-amr, au début. فَلَمَّا رَأَى رَفْضَهُمْ خَالَفَهُمْ. Mais lorsqu'il a remarqué pendant une grande durée leur refus de l'islam, à ce moment-là, il s'est distingué d'eux. هَذَا هُوَ الْمُجْتَمَعُ الْمَدَنِي. Telle est la nouvelle société médinoise. فَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَرَكَ أَبَا جَهْلٍ وَأَبَا لَهَبٍ فِي مَكَّةٍ. Le messager de Dieu, prière et salut, a laissé derrière lui Abu Jahl et Abu Lahab dans la Mecque. تَرَكَ الْأَعْدَاءَ فِي مَكَّةٍ. Il a laissé derrière lui les ennemis dans la Mecque. فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ وَجَدَ أَعْدَاءَ آخَرِينَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ أَشَدُّ خَطَرًا. Mais lorsqu'il est arrivé à Médine, il a rencontré d'autres ennemis qui sont les hypocrites et qui étaient pires que les Mekwa, comme ça n'aura fi waqtihi, comme ce qu'on va voir à son terme, inshaAllah. Hadihi hiya al-hayat, telle est la vie. Mali'a bil mashakil, pleine des problèmes. Wa kull mushkil ibtila' min Allah, et tout problème est une épreuve de la part de Dieu. Wa min awwal al-ibtila'at anna kathiran min as-sahaba asabahum al-marad. Parmi les épreuves, c'est que un grand nombre de compagnons ont été touchés par une maladie à Médine. Wa min baynihim Abu Bakr wa Bilal radiyallahu anhum. Parmi eux, il y avait Abu Bakr et Bilal, que Dieu soit satisfait d'eux. Lam yatahammalu jaw al-Madina, ils n'ont pas supporté le climat de Médine. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, prière et salut, a dit: Allahumma habib ilayna al-Madina ka hubbina Makkata aw ashad. Ô notre Seigneur, fais de notre amour à Médine un amour équivalent à celui de la Mecque, ou même plus grand. Wa sahhiha, et rend la saine pour nous, wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, et bénis pour nous ses biens, les biens de Médine, wa anqul hummaha faj'alha bil juhfa, et déplace son mal ou sa maladie et vers Al-Juhfa, un lieu dans la banlieue de Médine, Rawah Al-Bukhari, rapporté par l'imam Al-Bukhari. Fastajab Allahu du'a anabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam, et Dieu a exaucé les invocations de son messager, prière et sa souris. Faqal al-Nabi, le prophète dit par la suite, ra'aytu ka'anna imra'atan sawda'a tha'irat ar-ra's. J'ai vu, ça veut dire en songe, comme s'il y avait une femme noire avec des cheveux dressés, kharajat min al-Madina, qui est sortie de Médine, hatta qamat bima jusqu'au point d'aller vers Mahia'a, c'est-à-dire Al-Juhfa, la banlieue de Médine. Mahia'a hi Al-Juhfa kharij Al-Madina, fa awwaltuha anna waba Al-Madina nuqila ila Mahia'a ou ila Al-Juhfa, et je l'ai interprété comme quoi le mal de Médine a été déplacé grâce à Dieu vers la banlieue. Rawah Al-Bukhari, rapporté par l'imam Al-Bukhari. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, il a dit prière et sa souris, Allahumma ja'al bil madinati da'fay ma ja'alta bi Mecca min baraka. Ô notre Seigneur, fais dans Médine le double de bénédiction que tu as fait dans la Mecque. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Wa istajaba Allahu du'a nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, et Dieu a exaucé les invocations de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa ahabba an-nabi alayhi as-salatu was-salam al-Madina wa ashabuhu kadhalik, et par la suite le messager de Dieu a aimé un grand amour Médine ainsi que ses compagnons, kama qala marra an jabal Uhud, comme l'a dit une fois à propos de la montagne de Uhud, hada jabalun yuhibbuna Uhud min al-Madina, hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbu, c'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Uhud est une montagne de Médine, ça veut dire c'est Médine que le prophète aimait et que la ville aimait aussi. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit prière et sa souris, Allahumma inni uharrimu ma bayna jabalayha mitla ma harrama Ibrahimu Mecca. Muttafaqun alayh, et il a dit dans un hadith, ô Seigneur, je sacralise tout ce qu'il y a entre ces deux montagnes, ça veut dire Médine, tout ce qu'il y a entre les deux montagnes de Médine, exactement comme Abraham, prière et sa souris, a sacralisé la Mecque, unanimement authentique. Naktafi bihada al-qadr wa ila hissatin qadimatin insha'Allah, et à une autre séance prochaine, si Dieu le veut. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.